Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde et du contenu musical. Et j'aimerais, comme à l'habitude, souligner la participation de Denis Marchand, Noël Douville, Robert Blanchette et Michel Vandal qui m'ont fait parvenir leurs commentaires sur les pièces de l'émission de la semaine dernière. Ceux qui veulent, comme nos fidèles auditeurs, contribuer en donnant des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à partir de la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors aujourd'hui à l'émission, nous avons Leap Day des Pays-Bas, Moff du Japon, Orchestre Celesti et Autostrada d'Italie, King of Agogic d'Allemagne, The Moulettes d'Angleterre, Alfie Reiner de France, Hans des États-Unis et au dernier bloc de l'émission, nous aurons le palmarès Rock de Neurones avec Khan en position 21 et des extraits de l'album Space Shanty et IQ en position 20 avec des extraits tirés de The Road of Bones. On débute donc avec Leap Day de Pays-Bas. Leap Day qui viennent de faire paraître The Days of Deucalion Chapter 2 et c'est le quatrième opus du groupe qui est actif depuis 2009. Alors, ce qu'on va entendre, c'est In the Shadow of Death de Leap Day. Alors, voici... Carry me, there's not a single light. collecting the ashes all around, burying everything under layers of grey dust, fuming mountains, puking the ashes all around, snowflakes made of soup falling down, keep falling down. Steaming mountains, they pollute the living earth, green turns to gray, suffocating blanket of dust, fuming mountains, puking their ashes all around, snowflakes made of soot, falling down, keep falling down. Have left us behind, no twinkling in the night, not a single star to be found, darkness all around, shattered skies, they're scaring me, there's not a single light to be seen. c'était Leap Day des Pays-Bas avec la pièce In the Shadow of Death et c'est tiré de l'album From the Days of Deucalion, Chapter 2. C'est tout récent et c'est le deuxième opus de ce concept de Leap Day. On enchaîne maintenant avec une formation du Japon. C'est un nouveau groupe du nom de MOF et le nouveau groupe d'inspiration psychédélique Space Rock vient de sortir Hello New World et on va entendre la pièce Skywalking. Alors voici MOF. We'll be right back. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le nouveau groupe japonais MOF avec la pièce Skywalking, et c'est tiré du nouvel album qui est fin 2015, en fait, Hello New World. On va conclure le premier bloc de l'émission avec une autre nouveauté, cette fois-ci du côté de l'Italie, avec Orchestre Celesti. On parle ici du cinquième album studio du groupe qui œuvre depuis 2007. Et l'album s'intitule The Court of Miracles Volume 2 et la pièce Cetrachian. Alors voici Orchestre Celesti. We'll be right back. Alors, c'était Orchestre Celesti d'Italie avec la pièce Cetracian et c'est extrait de l'album The Court of Miracles, volume 2. Alors, après la pause, Autostrada et King of Agogic. On débute donc le deuxième bloc de l'émission avec une autre formation italienne. Cette fois-ci, c'est Autostrada. Auto est le chiffre 8 et le groupe, pour l'identifier, ben, le chiffre 8 est un chiffre romain, donc VIII, Autostrada, qui viennent de faire paraître un album, leur deuxième en 17 ans. Le groupe est actif depuis 1998. Le premier album est sorti en 2008 et le tout récent Babylon, dont on va entendre la pièce titre, Autostrada. We'll be right back. quando e vado a Babilone. Tempo che la mente ruba per sottrarre qualche istante al dolore, al suo assoluto. Io d'inerzia il mondo intatto come il pube di una vergine là dentro per Alors, c'était la nouveauté de la formation Autostrada. C'est la pièce titre de l'album Babylon. Nous allons conclure le deuxième bloc avec une formation allemande du nom de King of Agogic. L'album le plus récent est paru il y a un an et demi, deux ans. Et l'album s'intitule Ex Lex Beats. Et on va entendre la pièce Element Sense. Et ce qui est particulier avec cette pièce-là, c'est qu'on disséminait un peu partout dans la pièce maîtresse. Il y aura des petites coquilles qui vont nous rappeler certains passages de rock progressif des années 70. Et j'ai même entendu à travers une mélodie, un solo de guitare de Van Halen. Alors, c'est plein de petites surprises et je vous invite à écouter King of Agogate, Eleventh Sense. Alors, venez d'entendre le très viril batteur Hans-Jörg Schmitz, le fondateur du groupe King of Agogic. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Eleven Sense, c'est tiré du dernier album Exlex Beats, qui est paru en 2014. Après la pause, de Moulettes, Alfie Reiner et Hans. Avec Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc de l'émission avec une formation britannique. Ce sont trois musiciennes de formation classique et un batteur qui ont formé un groupe qui s'appelle The Moulettes. C'est un groupe qui existe depuis fin 2009 et qui a déjà trois albums à son actif. Et la particularité de ce groupe-là, c'est que les musiciennes jouent des instruments vintage, d'origine médiévale la plupart. On parle ici du basson et de la violoncelle. C'est un groupe qui est très inspiré, malgré la formation classique qu'ils ont. C'est un groupe inspiré de Gentle Giant. Alors, on va entendre deux pièces de l'album Constellations, c'est-à-dire. C'est un album qui a été joué en première partie du... on parlait de Gentle Giant tantôt. Bien, ça a été joué en première partie de Three Friends, qui est le groupe qui fait les chansons de Gentle Giant de nos jours. Et la première partie a été assumée par The Constellations. Et on va entendre deux pièces. La première, c'est Between Two Mirrors, et ça va, être suivi sans interruption par Keep It As A Memory. Alors voici The Moulettes. Hide and seek, I've come to find you. Hide and seek. Memory's a river, it runs forever, and the source is you. All come to fruition, your experience is in full bloom. Your thoughts all in orbit and at the center, fires alight. Crossed over the boundary to new territory, taking flight. Among the birds of paradise that sing in every silver tree. Hanging in the branches there are that you left for me to find. The landscape is a labyrinth with echoes splitting every sound. Lost in the reflection of a person who can't be found. Since you are are together. When we dream, we are together. Is hidden. que vous venez d'entendre, c'est la formation britannique de Moulettes avec deux pièces extraites de Constellations, leur plus récent album paru en 2014. Et les pièces, c'est Keep It As A Memory et Between Two Mirrors. On va enchaîner avec une formation musicien français du nom de Alfie Reiner. Alfie Reiner qui œuvre depuis le début de 2010. On lui connaît deux albums, dont dont Brain Surgery. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Hypnose. Alors voici Alfie Reiner de France. Thank you. Alors, c'était le musicien français Alfie Reiner avec la pièce Hypnose et ses extraits de Brian Surgery qui est paru en 2014. On va conclure le troisième bloc avec une formation américaine du nom de Hands, traduction libre main. Et Hands est actif depuis 1996. On leur connaît 5 albums, dont l'avant-dernier qui est paru en 2008, qui s'intitule Strangelet. Et on va entendre un extrait qui s'appelle Dark Matter. Alors voici Hands. Thank you. Alors, des États-Unis, on a entendu Hands avec la pièce Dark Matter et c'est tiré de Strangelet qui est paru en 2008. Après la pause, le palmarès Rock de Neuron avec Khan et IQ. On débute le quatrième et dernier bloc de l'émission, ce qui est consacré normalement au palmarès Rock de Neuron, qui est une compilation des 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Et on débute avec deux chansons extraites de l'album Space Shanty. Le Space Shanty, c'est un album qui est paru en 1972. Et les musiciens, ben, c'est Dave Stewart de Egg et Steve Hillage qui a fait partie de Gong. Et cette collaboration a donné un seul album et qui est classé dans les meilleurs albums à peu près de tous les palmarès. J'ai inclus le palmarès de Prog Archives et la revue Prog aussi, et aussi la revue Rolling Stones. Alors, on va entendre deux extraits, et c'est Stranded et Stargazers. Alors, voici Khan. Thank you. of madness. Could we really be sure that the peace would still miles of days. Your love shines like a beacon through the haze. Your twin lives tied together, jigsaw fence snapped together. Your twin heads tied together, king and queen, an extra gene. Can your words go with infinity? You must communicate it perfectly. Tell you how your twin lives tied together, jigsaw fins snapped together, your twin heads crammed together, king and Alors, c'était notre 21e position au palmarès Rock de Neuron, la position occupée par la formation britannique Can et l'album Space Shanty qui est paru en 1972 et on a entendu Stargazers et ça a été précédé de Stranded. Alors, on va conclure l'émission avec la 20e position du palmarès Rock de Neuron avec une formation assez récente, IQ, qui a su... inscrire The Road of Bones sur le palmarès des meilleurs albums et non pas seulement sur celui de Rock de Neuron, mais si vous consultez Prog Archive et aussi la revue Rolling Stone, ils occupent une place prépondérante. Alors on va entendre de cet album-là deux extraits, 1312 Overture et Hardcore. Alors voici IQ. Thank you. situations now understood. Indications all not so good. We'll be right back. Alors, c'est IQ avec deux extraits de l'album The Road of Bones qui est paru en 2014. Ça se trouve être le 10e et plus récent album de la formation IQ qui opère depuis 1983 et les 10 albums sont classés parmi les meilleurs du rock progressif.